Des voitures hors de prix, des bijoux précieux, des montres de luxe et des jolies filles, beaucoup de jolies filles. La recette n'a pas changé. La foire des millionnaires reste le lieu de toutes les folies. Comptez 150 000 euros pour ce piano télécommandé ou 100 000 pour cette moto bien kitsch. En Russie, il y a toujours beaucoup de riches. Nous, on leur propose un grand panel de produits, des bijoux, des chevaux de course, même des îles privées. Et c'est grâce à cette diversité que le marché du luxe se porte bien et qu'il est si stable ici. Même après la crise, la folie n'a pas de limite, surtout quand on est russe et riche. Mais le must-have de cette année, ce ne sont pas les voitures de luxe et les bolides, mais les yachts, des bateaux pour naviguer sur la Moskova. Et si la foire se déroule sur la plage privée la plus chère de la capitale russe, ce n'est pas un hasard. Igor est un client régulier de la millionnaire fair. Cette année, il est venu en bateau. La crise est passée par là, mais malgré tout, on est de plus en plus nombreux à acheter des yachts. Les gens ont compris l'intérêt d'avoir un bateau ici. Et c'est quoi l'intérêt ? Sur l'eau, on est beaucoup plus détendu. Et les deux poupées russes embarquées pour un petit tour sont plutôt d'accord. En ville, il y a beaucoup trop de monde, on étouffe, alors qu'ici on se sent libre. Prix de cette liberté, 700 000 euros. Et des yachts comme celui-ci, Igor en possède 5. Son rêve, à terme, avoir un bateau dans chaque port de la capitale.